الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. La semaine passée, nous sommes entrés dans l'étude du deuxième principe, du deuxième fondement, ma'arifatu din al-islam bil adilla, la connaissance de l'islam par l'intermédiaire de ses preuves. De preuves. قال المؤلف في هذا وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الدين لغة هو الخضوع. الدين dans la langue arabe c'est le rabaissement. وشرعا الإمام رحمه الله تعالى définit la religion comme étant le fait de se soumettre à Allah en pratiquant le monothéisme, se soumettre à lui en lui obéissant et se désavouer totalement du polythéisme de ses adeptes. فَالدِّينُ هُوَ مَا أَرْسَلَ اللَّهُ بِهِ رُسُلَهُ لِيُعْبَدَ. La religion, c'est tout ce avec quoi Allah a envoyé ses messagers pour être adoré. C'est la définition de l'islam ou bien de la religion. Et l'islam, c'est ce qui a été cité ici par l'auteur. الاستسلام لله بالتوحيد أي بأنواعه الثلاثة. Donc avec les trois formes de توحيد. توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, توحيد الله في أسمائه وصفاته. والمؤلف يقول يعني في هذا الأصل معرفة دين الإسلام وقال بالأدلة avec ses preuves, avec les preuves. والأدلة جمع دليل وهو المرشد إلى المطلوب. وذكرنا أن الاستسلام نوعان, الاستسلام العام الذي يشمل جميع العباد, طيب, وهو الاستسلام الكوني القدري. والنوع الثاني الاستسلام الشرعي, الاستسلام الشرعي وبه يثاب الإنسان. نعم. Donc la soumission à Allah est de deux sortes, la soumission générale, universelle, celle qui englobe toutes ses créatures. Personne ne peut sortir de son décret, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Il y a l'istislam religieux. L'istislam religieux qui englobe que les serviteurs qui ont voulu se soumettre à Allah Azza wa Jal dans sa religion. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ وَاجْتِنَابِ الْمَنْهِي. Donc tu dois te soumettre à Allah Azza wa Jal en lui obéissant, en faisant ce qu'il t'a commandé et en t'éloignant de ce qu'il t'a donc interdit. وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِ. الْبَرَاءَ لغتان التخلص والمباعدة والتنزه. الْبَرَاءَ dans la langue arabe, c'est le fait de s'éloigner d'une chose. C'est le fait de s'éloigner d'une chose sans purifier. Et ceci est la voie de l'islam, du monothéiste, comme Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Mumtahina, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Vous avez un parfait exemple en la personne d'Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Donc ceux qui étaient avec eux, ce qui est voulu dans ce verset, les prophètes. Les prophètes. lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous désavouons de vous et de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous désavouons de vous et de tout ce que vous adorez en dehors d'Allah. On mécroit en vous et commence entre nous et vous l'inimité et la haine, et ceci jusqu'à ce que vous unifiez Allah, jusqu'à ce que vous ayez foi en Allah uniquement. Wa huwa thalath maratib. L'auteur nous dit que l'islam se divise en 3 degrés. Le maratib jam'u martaba. وهي المنزلة العالية الإسلام والإيمان والإحسان. Donc voici les 3 degrés de l'islam. الإسلام, c'est une sous-division de l'islam. Ensuite الإيمان, qui est un niveau plus haut. Puis الإحسان, l'excellence, qui est un niveau encore plus haut, comme on le verra dans le hadith de Jibril عليه السلام. فهذه الأمور الثلاثة دين الإسلام. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكما في حديث طيب. ثم قال المؤلف المرتبة الأولى الإسلام. Le premier degré l'islam. فأركان الإسلام خمسة. Les piliers de l'islam sont nombreux de 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Donc l'auteur nous cite les 5 piliers de l'islam qui sont prononcer l'attestation de foi, la ilaha illallah, et attester que Mohammed est l'envoyé d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. وهذا كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري بني الإسلام على 5 بل عند الشيخين بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Parmi les preuves qui nous montrent que l'islam repose sur 5 fondations, 5 piliers, le hadith de Abdullah ibn Omar dans le recueil de l'imam Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 fondements, 5 piliers. وَالرُّكْن هُوَ جَانِبُ الشَّيْءِ الْأَقْوَى. Puis l'auteur nous cite la preuve de chacun de ces piliers du Coran, et au final il nous citera un hadith englobant les 3 degrés de l'islam. Donc l'auteur nous dit فدليل الشهادة قوله تعالى. La preuve de l'attestation de foi, la parole suivante d'Allah, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste que nul ne mérite d'être adoré sauf lui. De même, attestent cela les anges et les gens doués de science. Et ceci à juste titre, ou bien le mainteneur de la justice. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui, c'est-à-dire Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Donc dans ce verset, il y a la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à mériter l'adoration. Car il nous dit, Shahid Allahu annahu la ilaha illa. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a témoigné pour lui-même comme étant le seul à mériter l'adoration. Puis il a cité le témoignage des anges, puis le témoignage des gens de science. Et entre dans les gens de science, Amadha al-Anbiya ou al-Rusul, en premier lieu. Et entre dans les gens de science, en premier lieu, les prophètes et les messagers. La ilaha illahu. Il répète cela. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est lui. Al-Aziz, Al-Hakim, le puissant et le sage. Dans ce verset, il y a la preuve de l'unicité d'Allah dans la divinité. Dans ce verset, il y a le plus grand témoignage existant. A'zamu shahada 'ala al-itlaq hadi. Wa laha a'zamu al-mashhud. Donc dans ce verset, on a cité le plus grand témoignage. Et on a cité les meilleurs témoins. Et dans ce verset, il y a la valeur et une grande éloge pour les gens de science. Deux grandes éloges pour les gens de science. Le fait qu'ils ont été cités pour le meilleur témoignage à côté des anges. Et leur témoignage après celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y avait eu de créatures plus nobles qu'eux, on les aurait cités dans ce verset. On les aurait cités dans ce verset. Al-Shahada, c'est une chose que tu as su, une chose dont tu as la croyance, que tu prononces sur ta langue, puis tu en informes autrui. Tayyib. Celui qui prononce une chose sur sa langue, sans conviction, sans science, cela ne sera pas considéré comme un témoignage auprès d'Allah. C'est pour cela que lorsque les hypocrites ont témoigné de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah les a démentis à rejeter leur témoignage. Comme au début de Suratul Munafiqun. إِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Allah a démenti les hypocrites, car ils ont dit sur leur langue ce que ne contenait pas leur cœur. Naam. وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. Après nous avoir cité le témoignage, l'auteur nous l'explique et nous le détaille, car ce qui est voulu et recherché, demandé par al-Shahada, ça n'est pas le simple fait de prononcer cette parole. Mais tu dois comprendre cette parole. Prononcer cette parole en ayant uni les conditions de la ilaha illallah qui sont nombre de sept. Et la première condition est la science. Tu dois comprendre cette parole. Tu dois comprendre la partie négative, la partie affirmative. Et c'est ce qu'a expliqué ici l'auteur en nous disant le sens de cette attestation est... Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah. La première partie, donc la partie négative, la ilaha, donc nul ne mérite, renie toute forme d'adoration à tout autre que Allah. Donc lorsque tu dis la ilaha, tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. C'est une négation générale. Puis tu dis illallah. Seconde partie, la partie affirmative. Sauf Allah, tu confirmes que tout acte d'adoration doit être réservé à Allah, sans qu'il n'ait aucun associé dans celui-ci, de la même façon qu'il n'a aucun associé dans son royaume, dans sa seigneurie. Donc la partie affirmative consiste à affirmer que après avoir renié le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, qu'Allah lui est le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Donc il y a une négation générale, puis une affirmation particulière. L'auteur nous dit qu'il n'a aucun associé dans l'adoration, tout comme il n'a aucun associé dans son royaume. C'est-à-dire celui qui est unique dans ses actes envers ses créatures, le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant, le seul à donner la vie, le seul à la reprendre, et le seul qui doit être adoré par ses serviteurs et ses créatures. وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. Puis l'auteur nous dit, وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Puis l'auteur nous cite l'explication de cette parole de la ilaha illallah en utilisant le Coran. En utilisant le Coran. Le Coran, yufassiru ba'du ba'da. Et le Coran nous a tout enseigné. Et la chose la plus importante que nous ait enseigné le Coran, c'est le tawhid. Et la parole du tawhid par excellence, c'est la ilaha illallah. Donc le Coran a expliqué cette parole de la meilleure façon, sans laisser aucune zone d'ombre. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. L'interprétation de cette attestation est clairement expliquée dans la parole suivante d'Allah. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement tout ce que vous adorez sauf celui qui m'a créé. Car c'est lui qui me guidera. Il transmet alors cette parole à ses descendants afin qu'ils se repentent, ou bien afin qu'ils y reviennent. Afin qu'ils y reviennent. Naam. Ici dans la traduction, j'ai « afin qu'ils se repentent de leur politesse ». Taïba, afin qu'ils y reviennent. En quoi ce verset explicite le sens de la ilaha illallah? En quoi ce verset est un synonyme de la ilaha illallah? Nous devons rechercher les deux parties de la ilaha illallah, la partie négative et la partie affirmative. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'u mimma ta'budun. Voici la partie négative. An-nafi fi hadha. Innani bara'u mimma ta'budun. Je désavoue totalement tout ce que vous adorez. Cela est le sens de la ilaha. Illa alladhi fatarani. Cela est illallah, la partie affirmative. Donc, je désavoue totalement ce que vous adorez est la partie négative, la ilaha. Sauf celui qui m'a façonné, sauf celui qui m'a créé. Cela est la partie affirmative, illallah. Et pourquoi est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a choisi de dire illa alladhi fatarani? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit directement illallah? Indaman. Pourquoi est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a dit illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé? Naam. Car c'est un signe de sa seigneurie. Et donc, la seigneurie, taïb, le mot exact c'est pas impliqué, mais na'am. Donc, il attire l'attention sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Car celui qui est unique dans sa seigneurie est le seul qui mérite d'être adoré. Est-ce que c'est clair? Encore une fois, on utilise Tawhid al-Rububiyya comme preuve pour Tawhid al-Uluhiyya. Est-ce que c'est clair? Non. Puis l'auteur cite un autre verset, expliquant encore une fois le sens de la ilaha illallah. Wa qawluhu ta'ala qul ya ahla al-kitab. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Donc ici, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens, particulièrement les gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous, entre vous et nous. Une parole sur laquelle nous nous mettons d'accord. Personne n'aura le droit de contredire. On sera devant cette parole tous égaux. Quelle est cette parole? Que nous adorions Allah. Que nous ne lui associons rien et que nous ne prenions personne d'entre nous pour Seigneur en dehors d'Allah. Allah na'abuda illallah. Que nous n'adorions nul autre ou bien que nous n'adorions rien sauf Allah. Allah na'abuda. Ça c'est la négation. La ilaha. Illallah c'est l'affirmation. Illallah. Donc Allah na'abuda illallah, c'est at-tawhid, la négation, l'affirmation. Le fait de rejeter, renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, Allah na'abuda. Négation générale. Puis une affirmation particulière, affirmer que le seul à mériter entièrement l'adoration est Allah, illallah. Puis ensuite, voilà, yani ensuite, voilà nushrika bihi shay'a. Et que, na'am, nous ne lui associons rien. Donc on attire l'attention sur le fait de rejeter le polythéisme. Car l'unicité d'Allah Azza wa Jal ne peut se réaliser si ce n'est avec al-kufru bit-tarut, si ce n'est avec al-nafi. Tayyib, avec tark al-shirk wal-kufru bihi. Al-bara'a. Tayyib. Wa la takhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun. Naam, ici ce verset, tu vois qu'il peut y avoir un dialogue avec les non-musulmans. Mais ce dialogue doit être dans les règles religieuses. Al-Muslim ala al-Haq. Wa ghayruhu mimman abada ghayr Allah ala al-Batil. Le musulman est sur la vérité car il adore le Créateur, le Seigneur des mondes. Et ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal sont sur le faux. Donc tu dialogues avec les autres pour les appeler à revenir dans le droit chemin sur la vérité. Car celui qui est dans la faute, nous voulons pour lui le bien, nous voulons ça guider. Par contre, le fait de dire que toutes les religions sont bonnes et sur la vérité et que celui qui suit tel chemin sera sur la vérité, hada batil, c'est une parole fausse. Et on dit comme Allah dit dans le Coran, inna ad-din 'inda Allah al-Islam, la religion chez Allah est l'Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui recherche une autre religion que l'Islam, cela ne sera pas accepté de lui, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Tu ne dois pas tromper les gens et tricher avec les gens et leur dire vous êtes sur le bien et autres. Non. Mais celui qui n'est pas sur l'Islam, il est dans le faux. Et celui qui meurt en dehors de la religion de l'islam ira en enfer éternellement et n'en sortira jamais. Donc par rahma, par miséricorde envers les mondes, tu dois les appeler à l'islam, les appeler à la vérité et leur faire savoir que tous les prophètes sont venus avec ce message et que tous les prophètes ont appelé à cette parole. Que ce soit Nuh alayhi salam, le premier messager, ou que ce soit Ibrahim alayhi salam, ou Moussa alayhi salam, ou Isa alayhi salam, jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khatamul Anbiya. Donc voici le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement l'adoration sauf Allah. Et celui qui a expliqué la ilaha illallah par la rabba illallah, la khaliqa illallah, la hakima illallah, toutes ces explications sont des explications erronées, contredisant le Coran, contredisant la sunna, contredisant le consensus des pieux prédécesseurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans lui révéler. Nulle divinité ne mérite d'être adorée, sauf moi, adorez-moi donc. Sauf moi, adorez-moi donc. Dans l'autre verset, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Ani abudullah wa jtanibu at-taghut. Pour adorer Allah et s'éloigner de, yani, de tout ce qui est adorant en dehors de lui. D'accord? Avec ces versets et d'autres, on comprend que el-ilah, c'est el-ma'bud. La ilaha, ay la ma'bud. Ma ma'na al-ilah? Ma'na al-ilah al-ma'bud, al-ma'lou, al-ma'bud. Le sens de l'ilah, c'est le ma'boud. Tout ce qui est adoré dans la langue arabe est appelé ilah. C'est compris? Il y a ceux qui sont adorés sans être en droit de recevoir l'adoration. Et celui qui est adoré et mérite cette adoration. C'est Allah uniquement. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne mérite pas l'adoration. Et celui qui lit le Coran verra qu'on a appelé les choses adorées ilah. Taïeb. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ. Allah Azza wa Jal dit à Isa alayhi salam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de vous adorer, toi, de vous prendre en tant que divinité, toi et ta mère? Pourquoi est-ce qu'on les a appelés divinités, Isa alayhi salam, Maryam? Car ils ont été adorés. Car ils ont été adorés par Nasara et d'autres. Donc tout ce qui est adoré est appelé ilah dans la langue arabe. D'accord? Et ceux qui ont dit que le sens de l'ilah c'est Rab, voyez, yani il n'y a de créateur, ceux qui ont expliqué la ilaha illallah en disant il n'y a point de créateur si ce n'est Allah. Cette parole, elle est vraie. Mais est-ce que c'est l'explication de la ilaha illallah? Non. Le sens de la, le sens de l'ilah, c'est le ma'boud. C'est pas le khaliq. Et ceux qui ont dit il n'y a point de juge si ce n'est Allah, cette parole est véridique. Mais est-ce que, il y a une personne qui ne mérite le jugement si ce n'est Allah, cette parole est véridique. Mais est-ce que c'est le sens de la ilaha illallah? Non. Cela revient à Rububiyya. Cela revient à Rububiyya ma'a tafsir. Donc le sens de la ilaha illallah est la ma'bouda bihaqqin illallah. Et si le sens avait été la rabba illallah, Kuffar Quraysh aurait accepté de dire cette parole, vu qu'ils ont reconnu l'unicité d'Allah dans la seigneurie. D'accord? Voilà, insalta man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah. Si tu leur demandes qu'est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Na'am. Et cette parole a cette condition. La première condition, la science. Al-ilm. La deuxième condition, al-yaqin, la certitude. La troisième condition, al-ikhlas, la sincérité. La quatrième condition, al-sidq, la véracité. La cinquième condition, al-mahabba, l'amour. La sixième condition, al-qaboul, l'acceptation. Et la septième condition, al-inqiyad, la soumission. Tu dois donc dire « La ilaha illallah » avec science de ces deux parties négatives et affirmatives. Puis agir selon ce qui découle de cette parole. C'est-à-dire adorer, yani rejeter le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah, ne pas faire de shirk, ne pas adorer autre qu'Allah, et unifier Allah d'un culte sincère. Ça, c'est la science. Tu dois comprendre cette parole. Hein? « La ma'bouda bi haqqin illallah » Puis agir avec cela, vivre avec cela. La certitude, cette science doit atteindre le niveau de la certitude qui exclut tout doute, qui fait naître des actions. Taïeb, tu dois dire cette parole avec sincérité en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pas comme l'ont fait les hypocrites. Tu dois être véridique dans cette, lorsque tu dis cette parole. Ce que tu dis sur ta langue doit être en conformité avec ce qui habite ton cœur. C'est la véracité, contrairement aux hypocrites. Hein? Qui ont caché dans leur cœur la mécréance, ont dit sur leur langue, « La ilaha illallah ». Tu dois aimer cette parole et ce qui découle de cette parole. Tu dois te réjouir que l'adoration soit le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Tu dois aimer les gens du tawhid. Tu dois accepter cela et t'y soumettre, unifier Allah d'un culte sincère et rejeter ce qui adore en dehors de lui. Et l'inqiyat, la soumission. Tu soumets avec ton cœur. Tu acceptes la religion d'Allah Azza wa Jalla avec tes membres, tu l'adores d'un culte sincère. Voici les sept conditions de La ilaha illallah. Hein? Celui qui dit La ilaha illallah, qui a ces conditions-là, elle lui sera profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Naam. Puis l'auteur nous explique le sens de Muhammad, de la shahada, de Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la preuve déjà que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Du Coran, il nous cite « Wa qawlu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma'anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim » Un messager issu d'entre vous. Donc vous êtes naam. Un messager issu d'entre vous vous est bel et bienvenu. Il a autant de peine que vous devant les difficultés que vous rencontrez. Yani les difficultés que vous rencontrez lui pèsent lourd. Hein? Harisun alaykum, il est soucieux de votre bien-être et de vous éviter tout préjudice. Bil mu'minina ra'ufur rahim, il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Ash-shahid ja'akum rasulun min anfusikum. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Hein? Et cela est venu dans d'autres versets, Muhammadu Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, l'auteur nous explique cette parole et nous cite Muqtada Shahadatianna Muhammad Rasulullah. Ce qui doit venir avec ce témoignage. Et lorsque tu dis Ashhadu Anna Muhammad Rasulullah, que signifie cette parole? Tu attestes, tu reconnais avec conviction, avec science, sans aucun doute que Mohammed, ce messager arabe, est le messager d'Allah, envoyé à l'ensemble des mondes. D'accord? Tu dois reconnaître cela. Celui qui dit ça, hein, celui qui dit ça, est-ce qu'il se contentera de cette parole? Ou est-ce qu'il y a des actions du cœur et des membres qui doivent découler de cette parole. Wa ma'na shahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atu fi ma amara wa tasdiqu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'bad Allah illa bima shara. Le sens de l'attestation est obéir à tout ce qu'il a ordonné, croire sincèrement en ses paroles révélées, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimer, n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré. Donc quatre points qui ont la plus grande importance. Premièrement, l'auteur nous dit ta'atu fima amar. Donc tu dois obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car ce qu'il nous transmet dans la religion d'Allah émane de qui? Provient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le messager, par définition, transmet le message. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne parlait pas selon ses passions, ça n'était qu'une révélation inspirée. Taïb. Et celui qui obéit au messager, en réalité, obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur nous dit wa tasdiquhu fima akhbar. Croire sincèrement en ses paroles. Toutes les informations transmises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois les reconnaître. Y crois sans aucun doute. Puis wajtinabu ma naha anhu wa zajar. S'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé. Ici, remarquez que l'auteur n'a pas dit ne pas commettre, mais il a dit s'éloigner. Il a dit s'éloigner. C'est encore plus fort. Yani, tu ne fais pas, mais en plus de cela, tu t'éloignes de sa désobéissance. Tu mets une limite, une distance entre toi et cette désobéissance. Et quatrièmement, Allah yu'bad Allahu illa bima shara'a. N'adorer Allah et cela que selon ce qu'il nous a légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala dans de nombreux versets nous ordonne d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. قُلْ أَطِيعُ اللَّهُ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ. Dis obéissez à Allah et obéissez au messager. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Ou vous qui avez cru obéissez à Allah, obéissez au message. Et beaucoup de versets sont venus et nous ordonnent d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous interdit sa désobéissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit kullu ummati yadkhuluna al-janna, toute ma communauté entrera au paradis illa man aba, sauf celui qui s'y refuse. Qila wa man yaba ya rasul Allah, qu'est-ce qui pourrait s'y refuser au message d'Allah, ont dit les compagnons. Il a donc répondu man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit, voici celui qui s'y refuse. Naam. Tu dois reconnaître véridique tous les propos, toutes les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que cela concerne les informations du passé, que cela concerne les informations du futur, que cela concerne l'umur al-raybiyya, les choses de l'invisible, que cela concerne le présent, que cela concerne la dunya, que cela concerne l'au-delà. Tout ce dont nous a informé le prophète sallam, on doit y croire. Voyez. Même si tu ne comprends pas l'information, tu te soumets, tu y crois. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si une mouche tombe dans l'un de, yani dans votre verre par exemple, taïb, trempez-la entièrement. Yani tu prends la mouche et tu la fais rentrer dans le liquide entièrement. Puis tu la ressors et tu la jettes. Pourquoi? Il nous dit car dans une de ses ailes, il y a la maladie et dans l'autre il y a la guérison. Est-ce que c'est une chose que toi tu vois à l'œil nu? Non. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela. Fasaddaqna. Donc on y croit sans aucun doute. Wadah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a reçu la visite d'un compagnon qui lui a dit que son frère souffrait d'une maladie au ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit isqihi asalan. Donne-lui à boire du miel. Ce compagnon lui a donné à boire du miel. Puis il est revenu plus tard et lui a dit au messager d'Allah, il a toujours mal au ventre. Le prophète sallam lui a répété le conseil. Puis il est revenu encore, ce compagnon est revenu à nouveau et lui a dit au messager d'Allah, il a toujours mal au ventre. Et le prophète sallam n'a cessé de lui dire, donne-lui à boire du miel. À la fin, il lui a dit, sadaqallah wa kadhaba batnu akhik. Allah a dit la vérité, c'est-à-dire que le miel est une guérison. Et le ventre de ton frère a menti. Donne-lui à boire du miel. Ce sahabi est retourné voir son frère, lui a donné du miel et il est revenu et a dit, il a été guéri. Hein? Il a été guéri. Les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont véridiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous allez tous, vous assurément vous verrez votre Seigneur, yawm al-qiyam. Hein? Il nous informe qu'on verra Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyam. On y croit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des châtiments qu'ont reçus certaines personnes ayant désobéi à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté les histoires de ceux qui sont passés. On y croit. Il nous a détaillé ce qu'il y aura yawm al-qiyam, hein, la résurrection, et que nous serons tous ressuscités nus, non circoncis, sans aucune provision, payés nus, on y croit. Il y aura le bassin, on y croit. Les gens vont suer, le soleil sera rapproché, rabaissé au-dessus des têtes, on y croit. Allah Azza wa Jal va venir avec les anges et juger ses serviteurs. Les livres seront remis. Les gens traverseront As-Sirat. Une partie entrera au paradis, une partie entrera en enfer. Au paradis, il y aura ceci, cela, en enfer, il y aura ceci, cela. On y croit. Toutes les informations. Il te suffit de savoir que cela émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un texte accepté selon les conditions de la science du hadith, et on accepte ce hadith. Qu'on comprenne l'information ou qu'on ne la comprenne pas. Contrairement aux gens des passions, contrairement aux athées, contrairement aux égarés, qui prennent et acceptent que ce qui est en conformité avec leur raison malade. Non. Tu prends tout ce qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam ne va pas à l'encontre de la raison saine. Naam. Le quatrième point, en réalité, entre dans le premier point. Et entre dans le troisième point, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'éloigne de sa désobéissance. Mais l'auteur l'a cité à part, vu son importance. Il attire notre attention sur la gravité de l'innovation dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Il attire l'attention sur une des conditions d'acceptation des adorations, ce pourquoi nous avons tous été créés. Avec la ilaha illallah, il y a eu la première condition, l'ikhlas. Et avec cela, il y a la deuxième condition, al-mutaba'a. Mutaba'atul rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Pour que ton action soit acceptée chez Allah, il y a deux conditions. La première condition, la sincérité. La deuxième condition, que ton action soit conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben avec cette parole ici, l'auteur nous montre la gravité de l'innovation et nous appelle à suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد من عمل عملا ليس على أمرنا فورد. الله نجي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. طيب فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Naam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, celui qui espère la rencontre avec son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Ici, il y a les deux conditions. L'action ne sera pas bonne si ce n'est si elle est en conformité avec la sunna du prophète. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Et il ne doit pas avoir de shirk, donc elle doit être sincère. Allah Azza wa Jalla nous dit, celui qui vous a créé, ou bien celui, Celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, voir lequel d'entre vous va le mieux agir. Le mieux agir, Al-Fudayl ibn Iyad a expliqué en disant Akhlasu wa aswabu. Le plus sincèrement possible et le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute innovation religieuse est proscrite dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait wa khayrul kalam kalamullah. طيب خير الحديث كلام الله خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Il nous disait la meilleure parole est la parole d'Allah et la meilleure voix est la voix du prophète صلى الله عليه وسلم et toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarée. نعم. Donc parmi les points les plus importants de l'attestation ou bien de la reconnaissance de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de suivre son chemin pour adorer Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il t'a créé, il t'a créé pour un but, l'adorer d'un culte sincère. Il ne t'a pas laissé dans l'ignorance. Il t'a envoyé la meilleure créature, lui a révélé le meilleur livre. Il t'a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a révélé le Coran et lui a donné avec un sunnah pour t'enseigner le chemin qui te mènera à son agrément, fit dunya et au paradis dans l'au-delà. Donc suis sa voie et éloigne-toi de toutes les innovations et des innovateurs. Parmi les usul d'Ahl sunnati wal jama'a, le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, de ne pas s'asseoir avec les gens de l'innovation, de ne pas prendre pour amis les gens de l'innovation. Ça, c'est muhim jiddan. Et avec cela, tu préserves ta sunna. Et combien sont ceux qui étaient cramponnés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais lorsqu'ils n'ont pas donné d'importance à cette base, qui a pourtant été détaillée longuement dans les livres de Ahl sunna, ils se sont éloignés petit à petit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, sont tombés dans les passions. Wallah hawla wa la quwwata illa billah. Nas'Allah thabat. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana 'ala ta'atik. Wallah musta'an. Puis l'auteur nous dit wa dalil as-salati wa az-zakat. Donc il nous a expliqué ash-shahada. D'accord? Shahadati an la ilaha illallah, shahada anna Muhammad Rasulullah. Et maintenant, il nous cite les preuves du reste des piliers de l'islam. En nous disant, wa dalilu salati wa zakati wa tafsiri tawhid. La preuve pour la prière, pour l'aumône et l'explication du tawhid. Pourquoi est-ce qu'il a cité cela ensemble? Car c'est venu dans un seul et même verset. Donc la preuve, la prière de la zakat et l'interprétation de l'unicité d'Allah, la parole suivante d'Allah. Donc la preuve que ces choses-là font partie des piliers de l'islam et que ces choses-là sont des obligations. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah sincèrement, on lui voit un culte exclusif. Ça, c'est l'explication de quoi? At-tawhid. Il y a la négation, il y a l'affirmation. L'adoration d'Allah avec l'ikhlas. Comment est-ce qu'on appelle ça? At-tawhid. L'adoration d'Allah avec l'ikhlas. C'est cela. At-tawhid. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mukhlisina lahuddin. Adorer Allah azza wa jal. Mais pas n'importe comment. Avec at-tawhid. Avec at-tawhid. Hunafa, cela aussi a pu être tawhid. L'anna al-hanif wa al-muqbilu ala Allah al-mu'arid an ma siwa. Car al-hanif, c'est celui qui se dirige exclusivement vers Allah et se détourne de tout autre que lui. C'est donc al-muahid. Voici l'explication du tawhid. D'accomplir la prière, voici la preuve pour l'accomplissement de la prière. De s'acquitter de la zakat, voici la preuve pour l'acquittement de l'aumône légale, la zakat. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. Et ceci constitue la religion du droit chemin. Puis, le quatrième pilier de l'islam, وَالدَّلِلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Donc la preuve de l'obligation du jeûne, la parole suivante d'Allah, ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit de la même façon qu'il fut prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux. Ash-shahid kutiba. L'anna kutiba ma'ana furidha. Hein, la preuve du caractère obligatoire est dans le mot kutiba. Hein, prescrit. On vous a rendu obligatoire. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. La preuve de l'obligation du pèlerinage, la parole suivante d'Allah, c'est un devoir envers Allah pour ceux qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Quant à celui qui renie, ou quant à celui qui mécroit, Allah se passe largement de tout l'univers. Ash-shahid walillah. Ash-shahid walillah. Donc c'est un ordre. C'est un devoir envers Allah. Donc un devoir des serviteurs envers Allah. Walillahi 'ala an-nas hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Donc c'est un devoir envers Allah. Donc des serviteurs envers Allah pour ceux qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Ici, mon Dieu, à la fin de ce verset, quant à celui qui mécroit, Allah se passe largement de tout l'univers. On voit dans ce verset que celui qui mécroit, donc au pèlerinage, hein, c'est un mécréant. Est-ce que cela veut dire qu'il sort de l'islam? Est-ce que cela veut dire qu'il sort de l'islam? Ça dépend. Celui qui dit que l'islam n'a pas ordonné le pèlerinage. Donc le pèlerinage n'est pas une obligation religieuse. Il dit, moi je ne fais pas le pèlerinage. Et il rejette le pèlerinage. Il n'accepte pas les textes sur le pèlerinage. Il rejette. Donc il aura démenti Allah subhanahu, il aura démenti le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hadha kufrun akbar. Celui qui rejette le caractère obligatoire du pèlerinage, celui-ci aura mécru. Il sort de l'islam, wal'iyadhu billah. Par contre, celui qui ne fait pas le pèlerinage, hein, il ne fait pas le pèlerinage, malgré la capacité à faire le pèlerinage, alors celui-ci aura commis un grand péché, mais il ne sort pas de l'islam. Est-ce que c'est compris? Celui-ci aura commis un grand péché, mais il ne sort pas de l'islam, car il reconnaît le caractère obligatoire de l'islam, le caractère obligatoire du pèlerinage, mais il ne l'accomplit pas. Hein? Mais il ne l'accomplit pas. Comme quelqu'un qui sait que telle chose est obligatoire, mais il désobéit Allah Azza wa Jal. D'accord? Si cette chose ne fait pas partie des annulatifs de l'islam, on ne dira pas qu'il est sorti de l'islam. Taïe. Par exemple, la femme qui ne porte pas le hijab. Est-ce qu'on dit qu'elle sort de l'islam? Non. Elle a fait un grand péché. Une chose très grave. Par contre, celle qui dit le hijab ne fait pas partie de l'islam, il n'y a pas de hijab dans l'islam, on n'accepte pas le hijab. Hein? Même si elle met le hijab, elle sort de l'islam. Pourquoi? Parce qu'elle a démenti Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous comprenez la distinction qu'il y a entre ces deux points? Il y a une différence entre désobéir Allah azza wa jal, d'accord, et ne pas accepter l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui n'a pas le qaboul avec le cœur, c'est celui-ci qui n'a pas de part dans l'islam. Celui qui n'a pas l'inqiyad avec les membres, fi tafsil. Taïb, idha lam yanqad li shay wa hadha أو لأمر وهو من الأمور وهذا الأمر من الأمور التي لا تقوم الدين إلا به هذا كفر وإلا فهو عاصي Naam. Taïb. On a expliqué en détail le sens de shahada. As-salah. On va citer quelques définitions. Il reste combien de temps? Il y a du temps? Taïb, alhamdulillah. طيب الحمد لله ماذا بارك الله فيكم الصلاة اصطلاحا عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم Donc la prière, c'est une adoration qui se compose de paroles et d'actions déterminées connu, déterminé. Commençant par At-Takbir, Takbiratul Ihrab, Allahu Akbar, et finissant avec At-Taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et c'est l'adoration la plus importante après Al-Shahada. Et cela a été ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de l'ascension, après le voyage nocturne. La législation lui a été ordonnée alors qu'il était sur la terre, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la salat lui a été ordonnée alors qu'il était dans les cieux. Ça nous montre son importance. Pour effectuer cette adoration, Allah Azza wa Jalla a légiféré la construction et l'édifice des mosquées. Et on se réunit dans ces endroits. Et on a anobli ces endroits. Ça nous montre encore l'importance de la salat. Celui qui fait la salat, la préserve, a un pacte avec Allah d'entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la limite entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse, a mécru. Donc il te faut t'accrocher à cette prière. C'est un lien solide que tu as avec ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et dans celle-ci, tu es proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le moment où tu es le plus proche de ton Seigneur, c'est le moment où tu es prosterné. Naam. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à son dernier souffle, a fait la salat. Jusqu'à son dernier souffle a fait la salat. Et lorsqu'il s'est évanoui devant la lourdeur de sa maladie, lorsqu'il s'est réveillé, subhanallah, la première chose qu'il a dit, est-ce que les gens ont prié? Subhanallah. Ça prouve que c'est la chose la plus importante. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous on peut avoir des manquements dans cette salat? Au sujet duquel le prophète a dit, et la chose qu'on m'a fait le plus aimer est la prière. Yani qurratu ayni, subhanallah. Tayyib. Au point où lorsqu'il a eu un minimum de force, on l'a aidé, une personne à sa droite, une personne à sa gauche, pour l'emmener au masjid, et écoutez bien, ses pieds, traînaient au sol. Il ne pouvait même plus se tenir sur ses pieds. Subhanallah. Est-ce qu'après que le musulman ait entendu cela, il peut avoir un manquement dans la salat, au masjid? Alors que pour la plupart d'entre nous, bihamdillahi azza wa jal, nous avons la santé. Fallah al-musta'an, Allah al-musta'an. Puis, az-zakah. Az-zakah, lughatan, an-nama. Dans la langue arabe, zakah, l'aumône, c'est l'augmentation. Taïb. Wastilahan, nasibun muqaddar shar'an. C'est une part déterminée religieusement, min malin muayyan, d'une richesse déterminée, yusraf li ta'ifatin mahsousa. Donc c'est une part des richesses, une part de richesse déterminée religieusement, qu'on prend à un groupe de personnes déterminées religieusement, pour être redistribué à un groupe de personnes déterminées religieusement. Et que ceux qui ont des manquements dans la zakat ou sont distraits devant cet ordre, sachent que c'est le troisième pilier de l'islam. Et que celui qui ne s'acquitte pas de la zakat a été menacé par de lourds châtiments dans le Coran et dans la Sunna. Allah musta'an. Une part de la richesse des gens qu'Allah Azza wa Jal a comblé, pas trop lourde pour que ça ne soit pas difficile sur eux, mais assez conséquente pour être profitable à ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est la sagesse même qui a été légiférée ici par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le pauvre ne trouve pas de jalousie dans son cœur à l'égard du riche. Et sache qu'en t'acquittant de cette zakat, ton argent ne diminue pas. Si pour une aumône surérogatoire, ton argent ne diminue pas, que dire d'une aumône obligatoire? Et remarque que le sens de la zakat dans la langue arabe, c'est l'augmentation. Avec cela, Allah purifie tes biens et met la bénédiction dans tes biens. Ensuite, as-siyam. As-siyam l'oratan al-imsak. C'est la retenue. Wa shar'an ibadatun bil-imsak min al-akli wa shurb wa sa'ir al-mufattirat min tulu'i al-fajr al-sadiq ila ghurubi al-shams. أو نقول الإمساك الإمساك من الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات مع النية مع النية عفوا من طلوع الفجر أي الصادق إلى غروب الشمس. طيب والحج لغتان القصد. الحج لغتان c'est une chose que tu vises, un but. وشرعا قصد بيت الله الحرام c'est le fait de se rendre à la maison sacrée d'Allah لعمل مخصوص في زمن مخصوص pour accomplir des actions particulière dans un temps déterminé. وبهذا قد انتهينا من ذكر أركان الإسلام. Et celui qui médite sur ces piliers verra qu'ils ont été cités par ordre d'importance. الحج. Cela est obligatoire une fois dans la vie pour celui qui en a la capacité. Plus haut ou avant cela, as-siyam, le jeûne, cela est obligatoire une fois dans l'année durant un mois. Avant cela, amadha l'aumône, et cela une fois dans l'année pour celui qui est imposable. La salat, regardez la différence. 5 fois par jour. Alors que le Hajj, une fois dans la vie. Et le jeûne, 1 mois dans l'année. Et zakat, 1 fois dans l'année pour certaines personnes. Ça? La zakat pour certaines personnes. Le Hajj pour certaines personnes. Mais as-salah, tous les jours, à 7 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, mouru abna'akum bis-salah wa hum abna'u sab'a. Ordonnez à vos enfants la prière alors qu'ils ont 7 ans. Pourtant, à 7 ans, cette prière n'est pas obligatoire pour l'enfant. Hein? Wadribuhum alayha li'ashr. Et corrigez-les à 10 ans. C'est-à-dire s'ils ne prient pas. Donc pendant 3 ans, tu l'entraînes à saler. Tu l'éduques dans la salate. Pendant 3 ans. Jusqu'à la puberté. Qui est au maximum à la fin de tes 15 ans. Donc pendant combien d'années tu as été éduqué dans la salate? Hein? De 7 ans au maximum à 15 ans. Et de là tu comprends la grande erreur de certains parents qui ordonnent la salate à leurs enfants alors qu'ils sont adultes. Lui, ces derniers délaissent la salate et trouvent la salate lourde. Alors que celui qui a commencé à prier à 7 ans, à jeûner à 8 ans, lorsque tu lui demandes est-ce que c'est difficile le jeûne, alors qu'il a 25 ans, comment est-ce qu'il va te répondre oui? Oui, alors qu'il jeûne depuis qu'il est petit. Hein? Donc ça, c'est une éducation. Ça, c'est une éducation. L'enfant, depuis son plus jeune âge, tu lui fais aimer l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu l'emmènes avec toi à la mosquée. Tu lui montres le comportement, fais le masjid. Wa hakadha. Tu fais le umrah si tu peux prendre ton enfant. Tu l'emmènes avec toi. Fais le hajj. Tu l'emmènes avec toi. Tu lui fais montrer le bien. Tu fais le bien devant lui. Et avec cela, il y aura la meilleure éducation. Un mal éducation du corps. Achète à tes enfants tout ce qu'ils veulent et qu'ils ne manquent de rien dans le frigo, dans les placards. Cette éducation-là, tout le monde peut la donner. Al muslim wal kafir, hatta al hayawanat, même les animaux la donnent. Sah ou lala? Mais le muslim se distingue avec l'éducation religieuse. Avec l'éducation religieuse, wallahu musta'an. On a dit 5 fois par jour pour la salat. À la base, on avait ordonné 50 salats. Et ça a été allégé au nombre de 5, mais t'as la récompense de 50 salats. Puis on arrive au premier pilier. Combien de fois par jour? Hein? C'est indénombrable. Plus de fois que tu respires par jour, tu dois avoir al-shahada. Donc ça te montre l'importance du tawhid. Tu dois rester avec le tawhid à chaque moment. Avant de dormir, tu fais les adhkar et le tawhid. Et lorsque tu te réveilles, tu fais des adhkar et at-tawhid. Wahakada. Tu vis avec at-tawhid, tu te couches avec at-tawhid, tu marches avec at-tawhid, tu manges avec at-tawhid. Dans toute chose, on a légiféré at-tawhid. Dans l'adhan, dans salat, dans le hajj, dans le siyam. Même avant d'approcher son épouse, on a légiféré at-tawhid. Wahakada barakallahu fikum. Puis l'auteur nous dit المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. L'auteur nous dit le deuxième degré. Donc il nous a dit que l'islam a 3 degrés. L'islam, donc une subdivision de l'islam qui s'appelle également l'islam. D'accord? Ici une autre division qui est l'iman, la foi. L'auteur nous dit, elle se divise en un peu plus que 73 parties. Le mot bid'a en arabe, c'est ma bayna thalathin wa tis'a. Ce mot-là, bid'a, c'est un nom qui indique un chiffre compris entre 3 et 9 en arabe. D'accord? Il y a des mots en arabe, hein, qui indiquent un chiffre ou bien une tranche, comme bid'a, par exemple, comme rahta. Donc la foi se compose d'un peu plus de 73 parties. Donc entre 73 et 79. فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهِ اللَّهِ. La plus grande branche, la plus élevée, et la parole, la ilaha illallah. Encore une fois, ici, on voit l'importance du tawhid. Et que la ilaha illallah, c'est la chose la plus importante. Et la parole la plus importante. Et la plus basse consiste à ôter du chemin tout ce qui pourrait nuire aux passants. Imatatul adha anit tariq. Et la pudeur fait également partie de la foi. La pudeur fait également partie de la foi. Et cela est pris du hadith d'Abu Hurayra dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Al-Iman dans la langue arabe, c'est tasdiq ma al-iqrar. Certains ont dit l'iqrar, comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et beaucoup, la plupart ont dit tasdiq. Mais la chose la plus importante, c'est l'iman shara'an. La chose la plus importante est l'iman shara'an. La foi dans la religion. عند أهل السنة والجماعة أهل الحق قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية وطاعة الشيطان وإن شئت قلت قول وعمل. Donc la foi, la définition de la foi, l'iman, qawlun billisan, c'est une parole avec la langue. Wa i'tiqadun biljanan, une croyance dans le cœur. Wa 'amalun bil arkan, des actions avec les membres. Yazidu wa yanqus, ça augmente avec quoi? Avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance du tout miséricordieux. Wayanqus, et ça diminue avec sa désobéissance et l'obéissance au shaitan. Donc la foi n'est pas qu'une chose dans le cœur. Comme ceux qui disent la foi c'est dans le cœur. Il dit je suis croyant, la foi est dans le cœur. Ensuite il ne s'allie pas, il prie pas, il jeûne pas. Madha, il ne sort pas la zakat, il ne fait pas le pèlerinage, désobéit Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu le conseilles, il te dit Al-imanuha huna. La foi, c'est ici. Certes, la foi est ici. Mais pas seulement. Et si tu avais la foi ici, comme tu le prétends, hein, cela se serait reflété sur ta langue, dans tes membres. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, ala, inna fil jasadi mudra. Il attire notre attention, puis nous dit, il y a dans le corps un morceau de chair. Ida salaha al jasadu kullu. S'il est bon, s'il est saint, tout le reste du corps le sera. Wa idha fasadat fasada al-jasad kullu, et s'il est corrompu, mauvais, tout le reste du corps le sera. Ala wa hiya al-qalb, c'est le cœur. Donc celui qui fait du mal par ses actions, il nous montre que son cœur n'est pas bon. D'accord? Donc la foi n'est pas qu'une chose dans le cœur, ni qu'une parole sur la langue, mais c'est un ensemble. Des paroles, des actions et des croyances. Donc, le cœur, la langue et les membres. Avec tout cela, il y a du iman. Avec la langue, il y a quoi, par exemple? Hein? Al-zikr. Hein? La parole, la ilaha illallah, qira'atul Qur'an, al-amru bil ma'ruf, al-nahi anil munkar. Recommander le bien, proscrire le mal, lire le Qur'an. Tayyib. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. D'accord? Ça, c'est du iman avec la langue. Al-istighfar. Tayyib. Avec les membres, il y a quoi comme iman? As-salah. Naam. Que la salat? As-zakat. Al-hajj. Tayyib. Beaucoup de choses. Avec le cœur, il y a quoi? Al-tawakkul. Quoi encore? Hein? Al-mahabba, barakallahu fik. Al-khawf, al-raja et beaucoup d'autres choses. D'accord? Tout cela est appelé iman. Tout cela est appelé iman. Tayyib. Ici, l'auteur nous dit, elle se divise en un peu plus de 73 parties. Le niveau le plus haut, donc de ces branches, c'est la parole la ilaha illallah. Ici, il y a une preuve de la parole dans l'iman. وأداها إباطة الأذى عن الطريق. La branche la plus basse ôtait une chose qui gêne le chemin. Et ça, c'est une action. Donc, on a eu la parole, ici, on a l'action. Avec les membres. Puis, والحياء شعبة من الإيمان. La pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur, c'est où? محلها القلب. D'accord? Donc, de ce hadith, il y a une preuve que la foi, c'est une parole avec la langue, des actions avec les membres, et ماذا une des choses dans le cœur. Naam. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jalla appelait as-salah iman. D'accord, par exemple. Donc de la parole de l'auteur qui à la base est un hadith, on tire que la foi parole un ensemble de paroles d'action avec les membres et de choses avec le cœur. طيب والشعبه طيب الشعبه هو الجزء من الشيء. C'est une partie d'une chose. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qu'il a vu quelqu'un au paradis, hein, pour une branche ou un arbre qui gênait le chemin. Il l'a coupé, il l'a ôté du chemin. Allez, subhanallah. Hein? Est-ce que nos chers frères qui viennent au Jumu'ah, donc demain, inshallah ta'ala, connaissent, yani ignorent ce hadith? Et c'est pour ça qu'ils faisaient ce qu'ils font, pour beaucoup d'entre eux. Et qu'à partir de demain, on verra plus ce qu'on voit tous les vendredis, et on n'entendra plus toutes les plaintes qu'on entend des voisins tous les vendredis. Hein? C'est ça, Salim? Tu penses? Tu penses du bien de tes frères, c'est bien. Taïb. Donc, doter une chose qui nuit, hein, aux passants, ça fait partie du iman. C'est le degré le plus bas du, c'est la branche la plus basse du iman. Hein, c'est la branche la plus basse du iman. Si doter quelque chose du chemin, hein, c'est du iman. Est-ce qu'il convient après cela à une personne qui vient au mesjid, non pas d'enlever quelque chose du chemin, mais de venir mettre quelque chose qui gêne le chemin. Hein? Abadan. Wallah musta'an. Wa arkanuhu sitta. Et ses piliers sont nombre de 6. Pour la foi, pour la salat, on a dit qu'il y avait 5 piliers. Pour l'islam, pardon. 5 piliers. Et pour l'iman, pour la foi, il y a 6 piliers. كما في الحديث c'est-à-dire في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc les 6 piliers de la foi sont croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et croire particulièrement et que tu n'am et avoir foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. طيب. Celui qui dirait je ne comprends pas, nous venons de dire que la foi se compose d'un peu plus de 73 branches. Et ici, on dit qu'il y a 7 piliers. D'accord? Comment unir entre ces deux choses-là? Hein? On a dit qu'il y a 73 branches et ici, on dit qu'il y a 6 piliers. Lorsqu'on dit les 6 piliers, c'est usul al-i'tiqad. Ça revient au fondement de la foi. D'accord? Ça revient au fondement de la foi. Et quand on dit bid'un wa sab'un, d'accord? Quand on dit un peu plus de 73 branches, dans une riwaya sittun, on ne parle pas des fondements de la foi. On parle de tout ce qui rentre dans l'iman. Et ces 73 branches, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 73 choses, mais ce sont des branches. Et de cela découle encore d'autres choses. D'accord? Donc la différence entre les deux, c'est que quand on dit 6, c'est usul al-iman. Les bases, hein, les fondements de la foi. Les fondements de la foi. Alors que pour le chiffre un peu plus de 73, on parle de toutes les actions du iman. Des branches composant les actions du iman. Donc pas forcément des usul. Puis l'auteur, cite la preuve de ces six piliers du Coran en disant والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Donc la preuve pour les six piliers de la foi, la parole suivante d'Allah. La piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou l'Occident, mais la piété caractérise plutôt celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres révélés et aux prophètes. Donc ici, il y a combien de points cités? 5. Il manque quoi? Al-Qadar, hein, le destin, la prédestination. Donc l'auteur a cité un autre verset. Nous avons créé toutes choses selon des mesures prédestinées. Ce qui fait 6. C'est wadah. Taïb. Nous allons détailler chacun de ces points de la foi. Avant cela, cité dans le verset la preuve pour chacun. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib walakin al-birra man amana billah. Celui qui a eu foi en Allah, c'est la preuve pour l'iman billah. Wal yawmil akhir, le jour dernier, c'est la preuve pour le jour dernier. Wal malaika, c'est la preuve pour les anges. Wal kitab, c'est la preuve pour les livres. Wal nabiyyin, c'est la preuve pour les prophètes. Il manque l'iman bil qadar. Ça a été cité dans l'autre verset. Nous avons créé toutes choses selon des mesures prédestinées. Donc le premier pilier, qui est le pilier le plus important, al-imanu billah, la foi en Allah. Wa yatadhammanu wa huwa yatadhammanu arba'ata umur. Et il comprend quatre choses. Premièrement, al-imanu bi wujudillahi ta'ala. Premièrement, tu dois croire en l'existence d'Allah. Deuxièmement, al-imanu bi rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu dois reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la Seigneurie, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire, le seul géant. Troisièmement, al-imanu bi uluhiyyatillahi subhanahu wa ta'ala. Tu dois reconnaître l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Et quatrièmement, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Tu dois unifier Allah Azza wa Jal dans ses noms et ses attributs. Le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala a été reconnu par l'ensemble des gens, excepté une minorité qui ont rejeté cela avec leur langue, mais dans leur cœur ils savent très bien que la réalité est tout autre. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran qu'ils ont rejeté cela, c'est-à-dire en apparence, mais ils ont la certitude dans leur cœur. Ils savent qu'Allah Azza wa Jalla existe. Taïb. Et aucune personne raisonnée, douée de raison, pourrait rejeter l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne, lorsqu'elle vient au monde, elle est prédisposée à reconnaître cette réalité. Mais l'éducation peut faire que certaines personnes s'égarent du droit chemin. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, ma min mauloudin illa yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani. Avec l'aql, avec la raison, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. La personne n'aura pas le droit de douter de l'existence d'Allah azza wa jal tant qu'elle ne doutera pas de sa propre existence. Hein? Et c'est quelque chose de Et on voit autour de nous qu'il y a des montagnes, il y a le ciel, au-dessus de nous, on marche sur la terre. Et comment tout cela est venu? Ça ne peut pas venir tout seul. Si tu dis à une personne qu'il y a un château orné de perles précieuses, qu'il y a un jardin, et tu lui décris les meilleures demeures, et que tu lui dis que tout cela est venu tout seul, il te dira, tu as perdu la raison. Certes, celui qui dit ça a perdu la raison. Que dire alors de celui qui parle des cieux et de la terre, du soleil et de la lune, et de cette création parfaitement agencée, et qui dit au final, tout cela est venu tout seul. À plus forte raison, il n'a pas de raison. Ensuite, al-imanu bil malaika, le fait de croire aux anges. Premièrement, tu dois croire en l'existence des anges. Tu dois croire en l'existence des anges. Deuxièmement, al-imanu bima alimna min asma'ihim. Deuxièmement, tu dois croire aux noms qui nous ont été cités dans les textes. Aux noms qui ont été cités dans les textes. Comme Jibril alayhi salam, l'ange de la révélation, comme Mikaïl, l'ange de la végétation, Tayyib, comme Israfil, l'ange qui soufflera dans la trompe, comme Malik, le gardien de l'enfer, comme Ridwan, le gardien du paradis, l'imam al-Albani a authentifié le hadith, comme qui encore, comme Malakul Maut, l'ange de la mort qui prend les âmes, et un ange qui est peu connu, qui est peu connu, Ar-Ra'd. Ar-Ra'd, ça veut dire le tonnerre, dans le verset, sachez que c'est un ange. Sachez que c'est un ange, comme ça a été cité dans le verset dans Surat Ar-Ra'd, et aussi dans un hadith que l'imam, dans les causes de la révélation, comme dans le livre de Cheikh Mughbir, rahimahullahu ta'ala, Asbab al-Nuzul, Ar-Ra'd, c'est un ange. Et les meilleurs anges sont Jibril, Mikaïl et Israfil, car les trois ont rapport avec la vie. Jibril s'occupe de la vie des cœurs, Mikaïl la vie des corps, Israfil la vie de l'au-delà. Ou bien ils ont dit Naam, qu'en soufflant dans la trompe tout le monde va mourir, en ressoufflant tout le monde sera ressuscité. Tayyib. Et ceux dont nous n'avons pas eu connaissance, c'est-à-dire de leur nom, on y croit d'une croyance générale. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, al-imanu bima alimna min sifatihim. Leur description. Tous ceux dont nous avons eu connaissance dans le Coran et la Sunna devons y croire. Par exemple, que Jibril a 600 ailes et il couvrait l'horizon. Taïb, certains ont 2 ailes. Mathna wa thulatha wa ruba'. Certains ont 3 ailes, certains ont 4 ailes. Taïb. Toutes les descriptions qui ont été citées, on doit y croire. Puis, al-imanu bima alimna min a'malihim. Avoir foi en leurs actions. Ceux dont nous avons une connaissance comme action. Taïb. Ceux qui portent le trône. Ceux qui tireront l'enfer. Taïb. Et ainsi de suite. Naam. La'alla naktafi bihada. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير ويعلمنا ما جهلنا ويسر لنا العمل بما يحبه ويرضى وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا حي يا قيوم أدخلنا الجنة اللهم يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين أدخلنا الجنة اللهم يا حي يا قيوم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف امهاتنا واشف اولادنا وازواجنا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك